السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، فنواصل إن شاء الله. Donc nous étions toujours dans la partie qui est relative à la foi en les messagers, les envoyés. وفي الدرس السابق ذكرنا الفرق الفرق بين الرسل والأنبياء. Nous avons cité la différence, ou plutôt on va dire l'une des différences, qu'il y a une divergence qui a été faite entre les prophètes et les messagers, bien que tous sont des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions fini par parler de qui était le premier des messagers aux gens de la terre, que c'était Nuh alayhi salam, et le dernier qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on va continuer à parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit في السؤال التاسع وتسعين 99 question: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ Donc il dit par quoi s'est distingué notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم par rapport aux autres prophètes, quelles furent ses caractéristiques distinctes. قال له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت في التصنيف, qu'il en a plusieurs et qui ont même elles qui ont été répertoriées dans différents livres. ومنها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا, et parmi ces différences qu'il a été justement le seul prophète. Donc là c'est une chose qui ne lui a été accordée qu'à lui. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Aussi qu'il est le maître, le chef des fils de Adam, comme cela a été expliqué par rapport au verset où, dans le sens où il a dit voici les messagers, nous en avons préféré certains à d'autres et certains à qui Allah a parlé et certains ont été élevés en degré, et donc celui qui était élevé en plus haut degré c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jal lui a parlé également et aussi il a été le préféré. وقال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر. Il a dit prophète صلى الله عليه وسلم je suis le maître des fils de Adam et nul vantardise. Il n'a pas dit pour se vanter, mais c'est un fait. D'accord, c'est un fait et c'est un droit qui lui revient, que Allah azza wa jal lui a assigné. ومنه بعثه صلى الله عليه وسلم من الناس عامة جنهم وإنسهم. Aussi, comme nous avons parlé hier déjà un petit peu, d'ailleurs le hadith qu'on a cité hier, le premier hadith du Ders, va revenir là aujourd'hui, car c'est parmi ses particularités, et parmi ses particularités justement qu'il était envoyé à tous les hommes, qu'il s'agisse des djinns ou des humains, car les hommes, le terme homme rentre également chez les djinns. Chez les djinns, il y a des hommes, il y a des femmes. كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis ô vous les hommes, je suis pour vous le message d'Allah, pour vous tous. Al-A'raf, verset 158. وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé, d'accord, pour tous les hommes, qu'en tant que avertisseur et annonciateur. Surat al-Saba, verset 28. ثُمَّ جَاءَ الْحَدِيثِ de Jabir qu'on a pris hier. قال صلى الله عليه وسلم أُعْتِيتُ خَمْسًا لَمْ يُطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِرُعْبٍ مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه. Il a dit 5 choses m'ont été accordées qui n'ont été accordées à personne d'autre avant moi. J'étais secouru par la frayeur dans le cœur de mes ennemis d'une distance de 1 mois. Que toute la terre m'a été rendue comme lieu de salat et comme moyen de purification. Et tout homme de ma communauté, lorsque l'heure de la salat le rattrape, alors qu'il fasse la salat, où qu'il soit. Et hier, on avait cité qu'il y avait des lieux d'exception, d'accord, comme le cimetière, comme dans les toilettes, comme dans les lieux où la salat elle était décrétée comme étant interdite par les gens qui la possèdent, ou également dans l'enclos des chameaux, ou dans les lieux où il y a des impuretés. Il a dit que le butin de guerre m'ont été rendus licites, car on a expliqué hier que les communautés antérieures, lorsqu'elles faisaient le djihad, n'avaient pas le droit de prendre le butin. C'était une chose qui était rassemblée, et de là, Allah Azzawajal envoyait un feu des cieux qui descendait pour consumer tout le butin, et il disparaissait. Et cela, comme Doulemez a expliqué, c'était afin que, peut-être que comme leur foi était plus faible, s'il y avait un butin à gagner, ça aurait peut-être aurait pu être corrompu pour leur intention de combattre. Donc cela leur était interdit. Et nous, peut-être que Allah Azzawajal, ainsi que la foi des musulmans serait plus forte, mais que, point de vue, on va dire matériel, ils seraient plus en besoin d'avoir des biens par ce moyen-là, donc ce butin leur a été rendu permis. Ce sont des suggestions qu'ont fait les savants. D'accord, il n'y a pas de choses qui le confirment concrètement dans la révélation, mais ce sont des suggestions qu'ils ont faites. Des suppositions plutôt. Non. Taïeb. Il dit également qu'il a reçu l'intercession. Et hier, on a expliqué c'était quelle intercession, de laquelle il s'agissait. La majeure. Et surtout, de faire sortir les gens du feu, parmi les gens de sa communauté, les gens des Kaba'ir, qui étaient les gens de Tawhid, de sortir du feu pour aller au Jannah. Et il dit que chaque prophète était envoyé à son peuple en particulier, que lui est envoyé à tous les hommes. Et qu'on a dit hommes, ce sont les humains ainsi que les djinns. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui dont mon âme est dans sa main, que nul n'entendra parler de moi, qu'il soit un Yahoudi, c'est-à-dire un Juif, ou un Nasrani, ou un chrétien, puis qu'il meure sans avoir cru en mon message, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. Cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à tout le monde, et qu'on doit tous y croire, obligatoirement. Il n'y a pas un humain, ni un djinn, depuis sa venue, qui a entendu parler de lui, sans qu'il ne soit rendu obligatoire de croire en lui. Sans quoi, il ira au feu. Celui qui a entendu parler de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sous un angle correct, d'accord? Un angle correct, de façon véridique et claire, et qui n'a pas cru en lui, qui l'a rejeté, lui, il ira au feu. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui ont pas entendu parler de lui. On dit, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, nous, en ce bas monde, ces gens-là, on les considère comme des koufars. Ce ne sont pas des musulmans. Et Yom al-Qiyamah, ils seront éprouvés par Allah Azzawajal. Est-ce qu'ils ont accepté le message ou pas? Mais nous, ce bas monde, on dit pas oui, mais on sait pas où est-ce qu'il est. Non, nous, on juge sur lui que c'est un kafir, il est au feu. ثُمَّ نَكُولَ أَنَا أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَوَجَلْ. Et que son affaire vient à Allah. Si on se met à vouloir demander la question pour chacun sur terre, on sait pas. Et Allah nous a pas demandé de savoir qui a su, qui n'a pas su, concrètement. Celui qui meurt sans être musulman, on le traite comme un kafir. Toutes les règles des koufars, ça s'applique à lui. Dans l'héritage, dans l'enterrement, dans plein de choses. D'accord? On le considère comme un kafir. Et après, c'est Allah qui est plus savant de son sort final. Tayyib. Donc, et également, il y a d'autres particularités qui lui ont été accordées, que l'auteur n'a pas citées. Parmi elles, mathalan, al-hawd, le bassin. Le bassin du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui en boira, n'aura plus jamais soif. Dont la blancheur est plus éclatante que celle du lait. Et dont le goût est plus savoureux que celui du miel. Et dont les gobelets sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Par contre, là où il y a une divergence, il y a des ulama qui disent que chaque prophète a un bassin, et ce bassin c'est un hadith, mais ce hadith a été rendu comme étant faible. Donc en réalité, il est parmi les particularités de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kazalik, j'ai oublié de préciser dans le hadith, quand il dit que nul n'entendra parler de moi, des gens de cette communauté. Quelle communauté il parle? Car les gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les musulmans. Donc ce hadith ne s'applique pas vraiment sur eux. En fait, la umma, tant qu'en similaire qu'ismain, la umma, le terme umma se divise en deux choses. Ummat al-da'wa wa ummat al-ijaba. T'as la umma, la communauté de l'appel, c'est-à-dire ceux, tous les gens, c'est-à-dire que la communauté, c'est-à-dire les gens à qui Mohammed a été envoyé. Depuis sa venue, tous les hommes et djinns sont une umma. On les appelle ummat al-ijaba. Ou plutôt ummat al-da'wa, c'est les gens qui doivent appeler à l'islam. Et il y a la ummat al-ijaba, ce sont ceux qui ont répondu favorablement, ce sont les musulmans. Donc des fois le mot umma ne veut pas dire les muslimoun, mais veut dire les gens à qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé de façon générale. Donc faut pas se tromper par rapport à ça. Donc pour dire que sa communauté, et là on parle de ummat al-ijaba, sa communauté parmi les gens d'islam, ce sont les derniers arrivés et seront les premiers à entrer au Jannah. Ça, c'est parmi ses particularités. Wa kadhalik hum thuluth ahli al-Jannah. Ils sont le tiers des gens du paradis, à eux seuls. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inni arju an takunu thuluth ahli al-Jannah. Il dit, j'espère, il a dit à ses compagnons, que vous représentiez le tiers des gens du Jannah. Donc, ils sont les plus nombreux. Également, ils sont plus nombreux que la communauté de Moussa, alayhi salam. Les musulmans sont les plus nombreux. Tayyib. Donc, ça, c'est parmi certaines particularités qui lui ont été accordées par rapport aux autres prophètes. Sans oublier qu'il a des particularités en tant que musulman par rapport aux autres gens de la communauté. Des choses dont il se distingue, des règles qui lui sont spécifiques à lui, que d'autres musulmans n'ont pas le droit. Ça, c'est un autre sujet encore. Il y en a plusieurs. Des choses que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire que nous ne pouvions pas faire. Ou des choses qu'il était obligatoire de faire, mais qui ne sont pas à nous. D'accord? Ça, c'est encore d'autres khasa'is. Tayyib. Thumma qala ma hiya. Et là, ça va être, en fait, ce qu'il va citer l'auteur, c'est considéré comme étant une de ses khasa'is également, mais il l'a mis à part, une question à part. Il a dit, ma hiya mu'jizat al-anbiya. Quels sont les miracles, en fait? Les miracles. المعجزات هي أمر خالق للعادة مكرون بالتحدي سالم من المعارضة. En fait, un miracle, c'est une chose qui est hors du commun. D'accord? Et qui est venue avec un défi pour défier aux gens de faire pareil. Et qui est une chose qui est incontestable. D'accord? C'est un miracle. Et c'est cela qui est accordé au prophète. وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حياة وكلام الجمادات ونحو ذلك. Et ces miracles sont de deux formes, soit concrets, soit abstraits. Parmi les choses qui sont concrètes, par exemple, les choses que l'on peut voir des yeux ou entendre, qui sont liées au sens. Comme par exemple, le miracle accordé à Salih, alayhi salam, qui a fait sortir une chamelle d'un rocher. Ou également le miracle qui est accordé à Moussa, alayhi salam, qui est que son bâton s'est transformé en serpent. Et autres. Là, ce sont des choses qui sont visibles, qui sont palpables. Wa qad utiya nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam min kulli zalika. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de toutes formes, les abstraits et les concrets. Fama min mu'jiza kanat lin nabiy illa wa lahu sallallahu alayhi wa sallam a'zama minha fi babiha. Min al-mahsusat. طيب, et qu'il y a aucun prophète qui n'a reçu un miracle dans ce domaine, c'est-à-dire abstrait concret, sans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a reçu également un et encore plus grand, et encore plus considérable. Par exemple, parmi les miracles concrets, que la lune s'est fissurée. D'accord? Comme dans le Coran, c'est venu, et dans les hadiths, la lune s'est fissurée. Et paraît-il que avec des vues télescopiques, des koufars ont vu que la lune était fissurée. Elle était fissurée, ils se sont rendus compte de ça. Ça, c'est une chose, que même aujourd'hui, les traces en sont encore présentes. Maintenant, eux, ils vont pas dire que c'est un miracle. Ils vont dire, il s'est passé telle et telle chose, vous les connaissez, ils vont jamais vouloir l'admettre. Ils vont inventer un tas de théories. Mais les traces, apparemment, de la fissure sur la Lune sont encore visibles. Il y a eu également, Nabi al-Ma bin Beina Asabi'ihi, al-Sharifa, que l'eau a jailli d'entre ses doigts. Avec ses compagnons, ils étaient en voyage, ils n'avaient plus d'eau. Pour faire, je sais plus si c'était pour boire ou pour faire l'eau. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis ses mains en puisée et de là, l'eau a commencé à agir entre ses doigts. Ça, c'est une chose qui a été vue par plein de compagnons. Yaqul wa tasbih al-ta'am, et que la nourriture faisait le tasbih dans le plat lorsqu'il mangeait. Que les sahaba entendaient la nourriture, il allait faire le tasbih pour Allah azawajal, la nourriture du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et glorifier Allah azawajal. Subhanallah. Kazalik, il y a eu ce chameau, ce jeune chameau qui est venu le voir en pleurant pour se plaindre que son maître le maltraitait. Également, il y avait le nakhla, le palmier qui était près du minbar, qui pleurait. Il y avait les pierres qui le saluaient. Et plein d'autres choses qui l'ont été accordées. Walakin kagayriha min mu'jizat al-anbiya allati inqaradat bi-inqirad a'sarihim. ولم يبقى إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن. Maintenant, tous ces miracles, ils ont eu lieu et ont fini par disparaître. Ils sont cités par les textes, mais on n'en a concrètement aucune trace, à part peut-être celui de la Lune, et encore la Lune. Si on n'avait pas su qu'il y a eu ce miracle, on n'aurait pas su d'où vient cette trace sur la Lune. Si vraiment ils l'ont vu, mais il y a des photos, apparemment, ils ont vu qu'il y a une fissure sur la Lune. On n'en parle pas du fait qu'ils sont allés sur la Lune, hein. On parle du fait que cela a été vu avec un télescope. Ça, c'est une chose qui est faisable. La main qu'ils étaient sur la Lune, ça, on n'y croit pas, ça. Quoi qu'il en soit, tous ces miracles n'ont laissé aucune trace. On ne les connaît que par le biais de la révélation. À part un miracle qui a été donné au Nabi sallallahu alayhi wa qui est toujours présent, quel est-il? C'est le Coran. C'est le seul qui est encore présent. Et c'est ça, c'est parmi ses particularités, que le miracle qui lui a été accordé, qui est le plus grand miracle, c'est le Coran en lui-même. Le livre qui lui a été révélé, qui est encore présent. Cette révélation qui est parfaite. كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد que le faux ne lui vient ni de devant ni de derrière et qu'il est une révélation d'un sage éloué. C'est-à-dire que le Coran ne contient que du vrai. Il n'y a pas l'once d'un faux. Tout ce qui est dans le Coran, c'est vrai. Qu'on l'ait vu ou qu'on ne l'ait pas vu, qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on le comprenne ou pas, tout ce qui est dans le Coran est vrai. Non. Donc ça, c'est également parmi les khasa'is du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Coran qu'il a reçu. Et ce qui rajoute encore plus le côté miraculeux, c'est qu'il était illettré, comme vous le savez. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, il ne savait ni lire l'écrit, ni écrire. Et pourtant, le plus éloquent des livres, et la plus éloquente des paroles lui a été révélée. Comme cela va suivre maintenant. Yaqul ma dalil i'jaz al-Qur'an. Donc maintenant, c'est quoi justement la preuve que ce Coran طيب هذا ميراكل قال الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخرق وأقدارها على الكلام وبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Pourquoi car ce Coran est descendu sur une période de 20 ans en défiant les personnes les plus éloquentes qu'il y avait à l'époque. D'accord? Les personnes les plus littéraires qu'il y avait à l'époque. Et qui savaient le mieux s'exprimer, c'était les Arabes. Eux, c'était parmi leurs particularités, c'était l'éloquence. Et ce livre, Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit, alors qu'ils viennent avec une parole équivalente, si amis sont véridiques. Sourate At-Tur, verset 34. Mais ça, pour se rendre compte, les frères et les sœurs, il faut être arabophone. Et qui plus est, avoir un niveau haut en arabe pour se rendre compte. Non, les gens, des fois, ils lisent le Coran, ils disent, mais je vois pas ce côté éloquence, cette force dont on nous parle. Fais, normal, tu lis en français. Ce que tu as en français, c'est vide. Et d'autres, ils lisent en arabe, ils disent, j'arrive pas à voir, parce que normal, peut-être ton niveau en arabe, il est pas assez fort, tu connais pas les règles. Tu as pu étudier le balara, qui est la science de l'éloquence, le nahu, tu connais pas, la poésie non plus, donc tu ne t'en rends pas compte. Plus les gens sont ignorants, et moins ils se rendent compte des choses. Comme on dit, là, il y a alim, l'alim, que seul le savant reconnaît le savant. Donc les choses grandioses comme ça, seuls des gens qui ont les moyens de les reconnaître vont les voir. Donc ce qui devrait encore plus inciter les gens à apprendre pour se rendre compte de cela. Mais les Arabes de l'époque, eux, ils savaient très bien c'était quoi la langue arabe. Et quand le Coran descendait, ils s'en rendaient tout à fait compte de ce côté-là miraculeux. D'où le fait que Allah Azza wa Jalla les défiait de venir avec une parole équivalente. Chose qu'ils n'ont jamais pu faire. Qul فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. Et donc venez avec 10 sourates équivalentes, voyez, de vous-même. Sourate Hud, verset 13. قل فأتوا بسورة مثلي. Et venez avec une sourate équivalente. Sourate Yunus. Voyez, et ceux-là, ils n'ont jamais pu le faire alors qu'ils cherchaient à tout moyen de pouvoir réfuter. Mais ils n'ont jamais pu le faire. Et sachez une chose, comme cela a été dit, que les prophètes sont venus avec des miracles liés à leur époque. Masalan Moussa alayhi salam, à son époque, c'était la sorcellerie qui était la plus répandue. D'accord? Donc de là, Allah Azawajal lui a donné justement ce miracle du bâton avec les Sahara de Pharaon qui étaient les plus grands des sorciers pour montrer que ce que Moussa a fait, c'est pas de la sorcellerie. Donc comme eux, c'était déjà des gens qui étaient expérimentés dans la sorcellerie, ils s'en sont rendus compte. Ils ont dit, ouais. Ils ont dit, c'est pas la sorcellerie. Donc ils se sont convertis. Ils ont dit, ce qui s'est passé là, ce qu'ils ont vu là, d'accord? Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Donc, cela a fait effet. À l'époque de Isa, c'était la médecine. D'où le fait que Allah Azawajal lui a donné comme miracle le fait de redonner la vie aux morts, le fait de redonner la vie aux aveugles, de guérir les lépreux et ainsi de suite. Et là, les médecins, vous voyez que c'était pas de la médecine. Que c'était vraiment, ça venait, c'est une chose qui était miraculeuse. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, son époque, c'était, chez les Arabes, l'éloquence, le parler. Donc le Coran est venu dans leur domaine pour leur montrer que ce n'est pas lui qui parle. Cette révélation n'est pas de lui. D'accord? Et ils se sont rendus compte que c'était une chose qui était impossible. En réalité, aucun poète ne pouvait venir avec une chose aussi magnifique et aussi structurée, aussi parfaite. Humainement parlant, ce n'était pas réalisable. Donc cela les a contraints à croire. Bien sûr, parmi ceux qui avaient le cœur pur au début, après certains les ont refusés, orgueilleux. Ça, il y a toujours eu des contradicteurs. Mais ils savaient au fond d'eux que c'était impossible de parler de la sorte. Donc Allah Azawajal est venu avec des choses pour les défier dans leur domaine, pour leur montrer que cette révélation n'est pas une parole de sorcier, ni de médecin, ni de poète par rapport aux autres prophètes. Cela vient d'Allah Azawajal, celui qui a créé les cieux et la terre. Et vous ne pourrez faire ce qu'il l'a fait. Ce n'est impossible pour vous. Les amis au défi n'ont jamais pu le faire. Non. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن علي البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Il a dit que les gens, les prophètes ont tous reçu des miracles pour convaincre les gens. Il a dit, moi, le miracle que j'ai reçu, c'est une révélation. D'accord? Il y a eu d'autres miracles, mais il parlait du plus grand miracle qu'il a reçu, c'est ce Coran, c'est une révélation. Il a dit, et j'espère être celui qui aura le plus de suiveurs, Yom Al-Qiyama. Et cette chose-là est réalisée. Il est le prophète et le messager qui a la plus grande communauté. Naam. Yaqul wa qad sannafa an-nas fi وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية الآتية من المغيبات وما بلغه من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. Il a dit beaucoup de gens ont écrit justement dans ce domaine-là du Coran pour montrer justement ce côté miraculeux à travers les sens, à travers les termes, à travers les informations qu'il donne, qu'ils soient passés, qu'ils soient encore actuels, les choses liées à l'invisible. Plein de gens ont écrit dans ce domaine-là et dit pourtant ce qu'ils ont... Là, ils ne critiquent pas pour dire que c'est une chose sur laquelle il y a beaucoup d'écrits. Il dit malgré tout, le travail de ces gens-là n'équivaut qu'à ce qu'un moineau pourrait prendre son bec de l'eau de la mer. Par rapport à tout ce qu'on pourrait dire encore. Ils n'ont pas dit grand-chose en réalité. Tout ce qu'ils ont dit n'est rien par rapport à tout ce qui pourrait être dit. Et qu'il nous est, nous, inconcevable. Non. Taïeb, Fahad al-Ladhi Akhana al-Yom. On a fini, bifadullah ta'ala, alhamdulillah, il n'y a pas eu de coupure. On a le jour niyakoun kazalik raden. On espère que demain sera aussi, aussi fluide. Voyez, wa sanaktafi biyad al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.